L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Agro, j'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Des rangées de pommiers au beau milieu d'un champ de blé, des arbres fruitiers au milieu des parcelles maraîchères, ou alors des vaches qui pâturent entre les chênes et les érables. Vous trouvez l'idée farfelue ? Pourtant, après avoir été banni de l'agriculture pendant des générations, l'arbre prépare bel et bien son grand retour dans le paysage agricole. Le concept ? C'est l'agroforesterie. C'est un modèle de culture millénaire fondé sur l'arbre et qui refait depuis peu surface dans notre agriculture occidentale. On vous emmène en balade au cœur de ce monde passionnant qui gagne à être mieux compris. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Campus FM dans l'émission Agro J'écoute. Aujourd'hui autour de la table, on retrouve trois étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan. Guillaume Drougard. Bonjour. Lisa Albouy. Salut Maïlis. Et moi-même, Maïlis Casteres, on est réunis pour vous parler d'agroforesterie. Donc dans la première partie de cette émission, c'est Aline Buffa qui est conseillère en biodiversité et en agroforesterie à la Chambre d'agriculture de la Drôme qui viendra nous éclairer sur les principales idées reçues de ce modèle agricole. Et nous, nous essaierons après de démêler le vrai du faux de ces informations. Mais avant toute chose, Guillaume, Lisa, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement qu'est-ce que l'agroforesterie ? Alors, tu as raison Maëlys, il est important de bien définir ce terme, car il est souvent méconnu. Pour vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, là maintenant, si je vous parle d'agroforesterie ? Est-ce que vous voyez des forêts, des lignées d'arbres, des cultures, des prairies, peut-être même de l'élevage ? On pourrait faire en fait un mix de tout ça, puisque l'agroforesterie, c'est une association d'arbres forestiers ou fruitiers, avec des cultures ou des pâtures pour animaux. Donc en fait, les arbres peuvent se trouver directement dans le champ ou autour de celui-ci. Et au final, il existe plein de systèmes agroforestiers et chacun va être adapté à sa région et à son paysage. Mais ça, ça existe depuis longtemps ? Oui, depuis très longtemps même, je dirais même depuis toujours au final. Donc en fait, au XXe siècle, en France et plus généralement dans les pays du Nord, le souci c'est que l'industrialisation et la mécanisation de l'agriculture, ça a conduit à une suppression des arbres au profit de plus grandes surfaces disponibles pour les cultures. Donc à titre d'exemple, dans les années 50, on estimait qu'il y avait à peu près 600 millions d'arbres dans les parcelles agricoles françaises, alors qu'en fait dans les années 2000, bah, il en restait que 200 millions. Pourtant aujourd'hui, il semblerait qu'on cherche à replanter des arbres dans les champs. Donc c'est sûrement qu'il y a bien un avantage à ça. Oui, des avantages en fait, Maëlys, il y en a plein. On a souvent tendance à considérer l'arbre comme un élément qui va être gênant pour l'agriculteur. Pourtant, ce n'est pas le cas et ça peut même être un allié qui va être très utile pour les cultures. Premièrement, d'un point de vue agronomique, on imagine bien que les racines des arbres explorent le sol bien plus en profondeur que des cultures comme du blé par exemple. Donc ils vont d'une part favoriser la structure du sol, mais également jouer un rôle de pompe à nutriments. Les nutriments, en fait, c'est les aliments qui sont essentiels à la croissance de n'importe quelle plante. Il y a par exemple l'azote, le phosphore ou même le potassium que l'on peut citer. Donc au final, les racines des arbres vont extraire ces nutriments des profondeurs pour les rendre plus disponibles aux cultures en surface. D'autre part, les feuilles qui tombent, par exemple, ou alors la décomposition des fines racines annuelles, elles vont permettre une accumulation importante de matière organique. Et la matière organique, c'est un élément qui va être essentiel et indispensable pour fertiliser les sols. Ouais, donc tu parles justement de cette question de fertilité des sols. Donc il faut savoir que cette dernière, donc elle sera d'autant plus augmentée en fait, que la présence des arbres va permettre d'améliorer d'une part la vie du sol, mais aussi son activité biologique. Donc en fait, la matière organique qu'ils apportent, ça va permettre de stimuler les micro-organismes et la macrofaune du sol. Donc si vous ne le savez pas, en fait, les micro-organismes, ce sont tous les êtres vivants qui sont invisibles à l'œil nu. Donc on va pouvoir citer par exemple les bactéries ou les champignons. Et la macrofaune, en fait, ça va être la vie animale vivante qui va être visible. Donc ça va être les vers de terre ou les insectes par exemple. Donc tous deux en fait ils vont entre autres permettre la décomposition de cette matière organique, donc c'est-à-dire qu'ils vont en extraire les nutriments et de cette façon les rendre accessibles aux cultures. Donc si on fait plus simple, en fait ils sont tout simplement indispensables au bon fonctionnement d'un sol. Et finalement un sol vivant, bah, ça va être un sol qui va être de qualité, en meilleure santé et plus productif. Et l'agroforesterie, bah, en fait ça favorise tout simplement ça. Donc, si je résume tout ça, les arbres, ils ont une action favorable sur le sol et ils permettent de mieux nourrir les cultures avec lesquelles ils vont être associés. Donc, finalement, l'agriculteur, il aura besoin de mettre moins d'engrais. Oui, en effet, c'est bien ça, mais il y a aussi plein d'autres avantages que l'on peut citer. Il y a, par exemple, l'effet brise-vent et l'ombre fournie par les arbres. Cette ombre, ça va limiter l'évaporation de l'eau du sol et les pertes en eau des plantes. Il y a aussi l'amélioration de l'infiltration et de la rétention d'eau grâce à un sol plus structuré qui réduit l'érosion et les besoins en irrigation. Les arbres attirent également une large diversité d'insectes. Il y a notamment des insectes qui vont défendre les cultures contre les ravageurs, c'est les insectes auxiliaires. Et on aura donc potentiellement besoin d'apporter moins de produits chimiques, appelés produits phytosanitaires, qui servent à protéger les cultures. Et enfin, dernier point, on dit que la présence d'arbres forme un environnement plus propice pour les animaux, donc finalement plus propice au bien-être animal. Donc d'après ce que j'entends, les avantages agronomiques et environnementaux, ils sont considérables, mais économiquement parlant, c'est rentable cette histoire ? Oui, tout à fait. En fait, c'est rentable parce que c'est surtout source de diversification. Donc si vous réfléchissez bien, en fait, on va pouvoir bénéficier d'une production supplémentaire issue des arbres, tout en voilà, trouvant des débouchés. Donc on va pouvoir vendre le bois d'œuf, le bois d'énergie, également les fruits, donc si ce sont des arbres fruitiers, ou encore donc de la litière pour les animaux. Mais surtout, en fait, ça va être un capital précieux, puisque au fil des années, vous doutez bien que le bois il va prendre de la valeur. Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications. Donc d'après ce que je viens d'entendre, l'agroforesterie, c'est vraiment un modèle agricole intéressant. C'est vrai, les avantages, ils sont multiples, et pourtant... Je sais pas vous, mais moi, j'en vois pas beaucoup des arbres dans les champs. Non, c'est vrai. Et tu as raison. En France, aujourd'hui, il y a seulement 3 à 5% de la surface agricole qui est dans une démarche agroforestière. Donc ça représente environ 1 million d'hectares sur 28 millions, ce qui est vraiment assez peu. Ah oui, donc à mon avis, il se cache derrière ces chiffres des problématiques qui expliquent pourquoi ce modèle, il est si peu répandu. Heureusement, Aline Buffa, elle sera là tout de suite dans notre émission pour nous éclairer sur ce point. Avant cela, je vous propose d'écouter Carla Duval, c'est une étudiante de 4e année à l'école d'ingénieurs de Purpan, et elle nous propose une reprise de Wicked Game. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like voilà, après cette petite pause musicale, toujours en présence de Guillaume, Lisa et moi-même Maïlis. Donc comme promis, Aline Buffa, conseillère en biodiversité et en agroforesterie à la Chambre d'agriculture de la Drôme, nous fait l'honneur d'être parmi nous afin de nous éclairer sur les principaux freins au passage en agroforesterie. Aline Buffat, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Est-ce que vous voulez vous présenter et nous dire un petit peu ce que vous faites ? Oui, donc je suis conseillère biodiversité et agroforesterie à la Chambre. Et dans ce cadre, j'accompagne des agriculteurs de mon département qui ont des projets de systèmes agroforestiers. Donc je fais du conseil, mais également de la formation sur cette thématique-là. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc nous nous sommes demandé pourquoi les agriculteurs y sont réticents face à l'agroforesterie, quelles étaient leurs principales idées reçues. Et nous avons donc réalisé des recherches, nous avons trouvé différents types de freins, donc des freins techniques d'abord, puis économiques, sociaux et politiques. Donc selon vous, Madame Buffat, donc quels sont les principaux freins techniques que vous rencontrez, vous, sur le terrain ? Alors, il y a plusieurs raisons techniques qui freinent le développement de l'agroforesterie. Notamment, le premier argument qui est annoncé par les agriculteurs, et l'argument en tout cas de la compétition des arbres sur les cultures, donc la compétition pour l'eau, pour la lumière ou encore les nutriments. Cette compétition s'accompagne d'une faiblesse des rendements et du coup c'est quelque chose qui fait peur aux agriculteurs et ils ne veulent pas remettre des arbres pour justement limiter cette compétition. Ensuite, il y a un autre argument en défaveur de l'agroforesterie, c'est que l'installation des systèmes agroforestiers sur sa ferme demande du temps, donc il faut que l'agriculteur soit assez motivé pour pouvoir consacrer du temps, mais aussi ça nécessite des compétences et des connaissances. Par exemple, des agriculteurs qui vont se lancer dans l'implantation d'arbres fruitiers, pour le coup, il faut qu'ils sachent tailler correctement les fruitiers, car sinon ils n'auront pas ils n'auront pas de production, et ça peut être aussi un frein pour l'agroforesterie et la mise en place de ces systèmes-là. Voilà. Ça, okay. C'est des arguments que j'ai très souvent entendus, en tout cas à travers mon métier. Donc nous, en fait, on a vu aussi que les agriculteurs, ils pouvaient se questionner sur ce qui concerne en fait le passage des machines agricoles, parce que pendant longtemps on a arraché les arbres et les haies parce qu'on voulait avoir de grandes parcelles pour circuler facilement au final avec des grosses machines. Donc voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, la question d'en remettre, ça peut sembler problématique. Et on a aussi vu l'idée que la présence des arbres en fait, ou des haies pouvait attirer une faune indésirable sur les parcelles agricoles, donc des insectes, des oiseaux. Hein. Voilà, c'était assez nuisible et ça fait souvent peur aux agriculteurs. Ouais, donc ça, c'est les principaux freins techniques qu'on a vus. On a aussi décelé des freins qui peuvent être économiques. Donc c'est vrai qu'on imagine bien que quand un agriculteur change sa façon de produire, c'est pour s'améliorer et au final gagner de l'argent. Donc il y en a certains qui pensent que mettre des arbres dans leur champ, c'est diminuer la surface en culture, ce qui est vrai, et ils associent ça en fait à une perte de rendement. Donc au final, l'agriculteur a l'impression d'être perdant en implantant des arbres dans ses champs. Donc c'est un point parmi les freins économiques. Mis à part ça, Madame Buffat, est-ce que, au travers de votre expérience, vous avez pu percevoir d'autres freins économiques qui peuvent rendre les agriculteurs réticents à faire de l'agroforesterie ? Oui, tout à fait. Pour les raisons économiques, par exemple, l'installation de systèmes agroforestiers peut être coûteuse. Donc c'est quelque chose qui peut freiner les agriculteurs et on parle d'arbres, donc des arbres pour devenir matures, il faut compter une vingtaine d'années, voire plus pour certaines essences. Donc on a un retour sur investissement qui est assez long. Et les agriculteurs, ils plantent les arbres, mais c'est pas pour eux, c'est pour la génération d'après. Donc forcément, ils peuvent aussi, ça peut être en tout cas un frein de devoir se projeter. Quand on investit, c'est pour la génération suivante. Des fois, ça peut être un frein. Ensuite, il y a un autre frein qui émerge, en fait. C'est le manque de marché ou de filières construites pour l'arbre agroforestier. Par exemple, des systèmes agroforestiers où les agriculteurs vont se lancer dans la production, par exemple, de bois d'œuvre. En fait, il se trouve qu'il faut que les agriculteurs soient formés pour bien former leurs arbres, qu'ils soient bien droits. Et encore, lorsque c'est le cas, que vous avez un bon arbre qui pourrait être utilisé en menuiserie, les menuiseries ne veulent pas forcément des arbres agroforestiers, en fait. Ils les déclassent, donc il n'y a pas encore le marché. Et parfois, ça peut être très chronophage ou en tout cas, ça peut être un travail de longue haleine de trouver des débouchés ou des marchés pour accueillir l'arbre agroforestier. De même, quand ils se lancent dans la production, par exemple, de vergers maraîchers, ce qui est assez commun ou en tout cas qui a le vent en poupe dans mon département, eh bien, si ce sont des maraîchers initialement, il faut qu'ils trouvent des débouchés pour des fruits. Et des fois, ils ne connaissent pas forcément le monde du fruit, ils n'ont pas les clients pour, ni les marchés. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi freiner au développement du système agroforestier et de l'agroforesterie en général chez les agriculteurs. Quand vous le dites là, ça paraît assez évident que si on a un problème d'un point de vue de valorisation de l'arbre, bah, se lancer, ça paraît assez compliqué. Nous, on a trouvé aussi au niveau de l'aspect social, qui est aussi un point important, que le saut vers l'inconnu, c'est pas évident. Si le voisinage ne fait pas du tout d'agroforesterie, ça paraît presque insurmontable de passer le cap. Est-ce que vous pouvez ressentir quelque chose comme ça lorsque vous rencontrez les agriculteurs ? Oui, bien sûr. Donc là, il y a aussi un frein, comme vous dites, le frein social. C'est que les agriculteurs, pendant des générations, ils ont arraché des arbres. Donc leurs grands-parents ou leurs parents ont arraché des arbres. Ils ne se voient pas en remettre, en fait. Le remembrement les a marqués. On a enlevé beaucoup d'arbres sur les parcelles. Et eux, quand on vient chez eux et on leur conseille d'en remettre, pour le coup, il y a une sorte de blocage, quoi. C'est, même s'ils sont convaincus de l'intérêt de l'arbre, ils n'ont pas envie d'en mettre tout de suite. Enfin, on sent qu'il y a un blocage, quoi. Ok, d'accord. Après, il y a une autre, il y a un autre argument aussi. Social qui me vient, c'est le manque de retour d'expérience. En général, quand les personnes qui sont réticentes commencent à mettre des arbres, c'est parce que les voisins en ont mis. C'est bon, ils ont acquis la chose. Bon, c'est bon, on peut mettre des arbres. Le voisin l'a fait, mon autre voisin aussi. C'est bon, ils ont pu avoir un retour d'expérience de leur père, quoi. Pour terminer, nous, on a aussi identifié un frein qui est un peu plus lié à la politique et en fait à la crainte de perdre les aides PAC. Parce que les agriculteurs, bah, ils ont longtemps pensé que le fait d'avoir des arbres sur leur terrain, c'était du coup des subventions en moins, en fait, parce que le fait qu'il y ait des arbres, ça réduisait la surface agricole cultivable. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un frein pour les agriculteurs ? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore avéré aujourd'hui ? Alors, effectivement, pendant très longtemps, la PAC a été en défaveur de l'implantation de l'arbre. Pour le coup, les arguments techniques et économiques, et même sociaux, sont bien plus forts que l'argument de la PAC. Les agriculteurs ne me donnent pas cet argument en priorité parce qu'il est effacé par l'argument de la compétition qu'il peut y avoir entre l'arbre et les cultures, le verrou social aussi de ne pas vouloir remettre des arbres parce que ses parents en ont arraché. Enfin, voilà, je pense que cette raison politique, donc des craintes des aides PAC, a pu être un frein, mais ce n'est pas l'argument qui est avancé par les agriculteurs que j'accompagne en tout cas. Oui, c'est vrai que ça paraît plus être totalement d'actualité. On tenait à vous remercier pour être intervenu, pour nous avoir aidé et nous avoir éclairé sur tous ces freins. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Madame Buffa. Merci à vous. Finalement, donc, ce sont beaucoup de questions qui se posent. On comprend mieux la réticence des agriculteurs face à cette pratique. Mais nous, ce qu'on aimerait savoir maintenant, donc, ça va être si ces idées reçues sont toujours véridiques. Et donc là, on va enchaîner donc, sur une petite pause musicale. On va entamer notre dernière partie qui va tirer le vrai du faux de tout ça. Donc restez bien avec nous. Et tout de suite, on va mettre à l'honneur une autre étudiante de Purpan qui est en première année. Donc elle s'appelle Sazilé et elle nous fait une petite reprise de Stay de Rihanna. Makes me feel Vous venez d'écouter Sazilé sur une reprise de Rihanna. Donc vous êtes toujours dans l'émission Agro J'écoute sur Campus FM. Dans la première partie de cette émission, Aline Buffa nous a éclairé sur les principales idées reçues de l'agroforesterie. Donc notre objectif maintenant avec Guillaume et Lisa, ça va être d'y répondre. Alors préjugés ou réalité, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, un des préjugés qu'on a vu, c'est que l'agroforesterie entraîne la diminution des rendements et donc, en conséquence, elle entraîne une diminution des revenus. Alors, c'est vrai que ça semble logique. Si on enlève des surfaces de culture pour y mettre des arbres à la place, eh bien, le raccourci il est vite fait. Il y a moins de rendements et donc moins d'argent. Mais est-ce que c'est vraiment si simple ? Alors, pas tout à fait, en réalité. C'est sûr que, donc, premièrement, la chute de rendement, elle va dépendre en fait, de la densité de plantation. Donc 30 arbres par hectare, c'est sûr que ça ne va pas être pareil que 100 arbres par hectare, puisque la surface qui va rester pour les cultures, elle sera forcément différente. Donc, mais si on passe de ce détail, en fait, on prend l'exemple par exemple d'une densité moyenne de 30 arbres par hectare, on peut estimer une baisse de rendement de 5 à 10%. Sauf que contrairement en fait, à ce qu'on va pouvoir croire, ça ne va pas forcément se traduire par une baisse de revenus. C'est vrai, comme on l'a déjà évoqué, les arbres, une fois développés, peuvent permettre d'apporter un revenu supplémentaire, que ce soit par la vente de fruits, de bois énergie ou même de bois d'œuvre. Ça permet donc de compenser la diminution de revenus liée à la perte de surface des cultures, en fait. Mais au-delà de cette compensation, dans la plupart des cas connus, la marge brute globale est même améliorée parce que la productivité d'un système agroforestier est dite meilleure. Donc il y a par exemple des expérimentations qui nous indiquent que les parcelles conduites en agroforesterie ont une production augmentée de 30 à 60%. Si je l'explique autrement, une parcelle agroforestière de 10 hectares, ça peut produire autant de biomasse, c'est-à-dire de bois et de produits agricoles, qu'une parcelle qui fait 13 à 16 hectares, sur laquelle on aurait séparé du coup les arbres et les cultures. Un autre point, c'est que qui dit revenu supplémentaire dit revenu plus sécurisé. On voit facilement que si les rendements de la culture sont mauvais une année, il y aura un potentiel autre revenu qui va être issu des arbres et qui va pouvoir compléter en fait le revenu. Et enfin, on a également une diminution des charges. Les bénéfices apportés par les arbres qu'on a évoqués au début de l'émission, en fait, ces bénéfices ils peuvent permettre sur le long terme une diminution du besoin en intrants, donc que ce soit en engrais ou en produits de protection des cultures. Et ils peuvent même permettre une diminution de la dose irriguée. Du moins, en tout cas, cette pratique va viser à diminuer les intrants grâce à une amélioration qui va être naturelle en fait, du sol. Merci beaucoup, je comprends mieux. Donc si je veux résumer, oui, le revenu issu des cultures, il va diminuer à cause de la réduction de rendement, mais cette perte, elle peut être compensée par un revenu supplémentaire issu des arbres ou une diminution des charges. Oui, voilà, ouais, c'est tout à fait ça, mais évidemment, c'est valable qu'une fois les arbres développés. Ça met un certain temps et l'effet n'est pas immédiat. Ah oui, mais ça d'ailleurs, c'est une autre des raisons qui freinent les agriculteurs. Déjà, installer un système agroforestier, c'est coûteux. Mais surtout, le retour sur investissement, il n'est pas immédiat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Oui, tout à fait, c'est vrai. En fait, installer un système agroforestier, ça va être déjà un certain investissement en temps, mais aussi en argent. Il va falloir préparer le sol, acheter les plants, mettre en place des protections contre les animaux. Donc, en moyenne, il faudra compter pour un seul arbre 20 euros pour l'implantation en grande culture. Et en système d'élevage, donc il faut rajouter une protection contre les animaux et on va ajouter jusqu'à 50 euros de plus par arbre. Donc si on garde cette densité moyenne qu'on avait déjà vue de 30 arbres par hectare, il faudra du coup investir en moyenne 600 euros en grande culture et 2100 euros en élevage. Donc c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable. Un coût évidemment qui va varier selon la densité et le type d'arbre que vous allez choisir. Il faudra aussi compter, prendre en compte en fait, un coût de main-d'œuvre. Donc les premières années notamment, il va y avoir les périodes d'implantation et de taille qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et enfin, un coût qui pourrait être lié notamment à l'appui technique d'un conseiller. Mais ça commence à faire là quand même. Oui, c'est sûr. Bon, c'est pas... Ça commence à faire, mais après, si vous lancez dans cette aventure, il faut savoir que vous n'êtes pas seul. De plus en plus aujourd'hui, en fait, les pouvoirs publics ils veulent promouvoir la plantation des arbres et de haies sur les terres agricoles. Notamment dans un contexte de transition agroécologique. Du coup, en fait, les agriculteurs qui vont être dans cette démarche, ils vont pouvoir bénéficier d'aides ou de subventions, donc qu'elles soient régionales, nationales ou européennes. Donc si on prend la politique agricole commune donc en France, donc celle de 2014-2020, Faut savoir qu'elle peut financer jusqu'à 80% du coût des projets agroforestiers. Il y aura aussi des potentielles valorisations avec des projets. Donc on peut citer par exemple le projet bas carbone, qui va en fait rémunérer les initiatives de stockage. Donc par contre, il va y avoir un point en fait sur lequel on ne va pas pouvoir discuter. Ça sera le retour sur investissement. Parce que c'est sûr que bah, quand on parle d'arbres, en fait, on va parler long terme. Les arbres, ça ne pousse pas en une année. Et, bah, forcément, il va falloir être patient. Mais Lisa, en parlant de la PAC, justement, selon certains, on met en place un projet agroforestier et on va perdre des aides. Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, non, heureusement, ça fut longtemps le cas. Mais depuis 2006, les parcelles agroforestières sont reconnues comme des parcelles agricoles, en fait. Et donc, en conséquence, elles vont bénéficier des aides PAC du premier et du second pilier. Ah, donc il semble que les politiques ont bien évolué dans ce sens-là. Peux-tu m'en dire un peu plus? Je suis sûre que nos auditeurs ils vont être curieux de savoir si les agriculteurs ils sont gagnants à implanter des arbres. Alors oui, actuellement, en fait, la PAC elle valorise même parfois mieux les systèmes agroforestiers. Ça peut même être... donc voilà, une parcelle agroforestière peut être plus rémunératrice au final qu'une parcelle classique. Tout simplement parce qu'en fait, les surfaces déclarées ne seront plus uniquement de simples surfaces de culture, mais on va aussi prendre en compte tout ce qui est donc les haies, les bosquets, les arbres. Et tout ça, en fait, ça peut être intégré dans des surfaces dites d'intérêt écologique et des surfaces en fait, qui permettent d'accéder du coup, à des aides supplémentaires. Ah oui, donc les aides, elles semblent vraiment intéressantes. On imagine bien que tout cela est très cadré par la réglementation. Oui, oui, tout à fait. Évidemment, pour avoir droit aux aides PAC, il va falloir respecter certains critères. Donc notamment une densité maximale de 100 arbres à l'hectare. Il y aura aussi d'autres exigences donc voilà, qui vont concerner par exemple la largeur des haies. Merci pour toutes ces précisions, Lisa et Guillaume. Il me semble qu'on a bien fait le tour des questions économiques et politiques, mais qu'en est-il des problèmes techniques? C'est vrai que des arbres au milieu de la parcelle, ça peut sembler gênant. Comme on l'a vu juste avant, les agriculteurs ils évoquent la question du passage des machines. Oui, c'est un point qu'il est en effet important d'appréhender et il faut surtout l'appréhender en amont de la mise en place du projet. Donc l'agriculteur doit bien réfléchir à l'espacement entre ses lignées d'arbres. Il va falloir qu'il calcule ça en fonction du matériel qu'il a déjà en sa possession. Si je vous prends un exemple, s'il a un outil pour traiter ses cultures de 24 mètres de large, il a tout intérêt à espacer ses lignées d'environ 26 mètres pour pouvoir circuler aisément et conserver 1 mètre entre la culture et l'arbre. Et au niveau de l'entretien des arbres, j'imagine que c'est important que les machines ne soient pas gênées. Oui, en effet. Bon, y a des techniques pour ça. Il y a notamment la taille qui fait partie des moyens de maîtriser le développement de l'arbre. Et par la même occasion, elle permet de faciliter le passage des machines. Alors, en effet, c'est un travail supplémentaire qui va être à prévoir pour l'agriculteur. Mais il peut être amoindri selon le choix du type d'arbre. Donc on imagine bien qu'un peuplier, par exemple, ne va pas nécessiter autant de taille qu'un arbre fruitier, par exemple. Donc si je comprends bien, tout est question d'organisation, de réflexion du projet. Il faut bien le penser en amont avant de se lancer. Qu'en est-il concernant de la compétition entre les cultures et les arbres? C'est le premier argument qu'a avancé Aline Buffa. Beaucoup pensent qu'à cause des arbres, il y aura moins d'eau, moins de lumière, moins de nutriments disponibles pour les cultures. Alors c'est vrai ou faux? Alors c'est sûr que là on touche vraiment en fait un point essentiel puisque intuitivement on se dit que l'arbre par exemple va faire de l'ombre aux cultures. Donc c'est tout à fait vrai. Cependant les agriculteurs ils vont pas planter les lignées d'arbres en fait dans n'importe quel sens. Ils vont notamment privilégier l'orientation nord-sud de telle sorte qu'en fait le soleil quand il va tourner au cours de sa journée, il va permettre de fournir la même quantité de lumière à chaque mètre carré de culture. Donc il faut savoir aussi que l'ombrage, il va pouvoir être régulé également par le choix du type d'arbre planté. Donc vous doutez bien qu'il y en a des plus ou moins touffus. Et la taille sera également un levier qui permettra d'apporter plus ou moins de lumière aux cultures. Ah oui, donc rien ne semble être laissé au hasard. Et sous le sol, Lisa, comment ça se passe? Est-ce que les racines des arbres vont faire concurrence réellement aux cultures? Donc là aussi, en fait... oui, il va y avoir une concurrence, mais on peut trouver des techniques pour pallier à ce souci. Donc premièrement, de façon générale, les racines des arbres, il faut savoir qu'elles vont plus en profondeur que celles des cultures. Mais pour s'assurer qu'elles n'empiètent pas en fait, sur la culture, on va recommander de laisser environ 1 mètre non cultivé autour des arbres. Et deuxièmement, pour ce qui est en fait, de la zone cultivée, il faudra bien veiller à laisser le sol couvert et pas arrosé pendant les 3 premières années. Et de cette façon, en fait, on va obliger les racines des arbres à aller trouver en profondeur les éléments dont ils ont besoin. Du coup, les racines des arbres occuperont la couche profonde et celles des cultures, la couche superficielle. Donc finalement, ce sera vraiment bénéfique pour l'un comme pour l'autre. Merci Lisa. Donc un autre problème abordé, c'est celui de la faune indésirable, qui est favorisée par la présence des arbres sur les parcelles. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Oui, alors c'est vrai que quand on introduit des arbres sur des parcelles agricoles, on induit une diversification de l'habitat et donc par conséquent une diversification des habitants. Alors les arbres vont héberger une biodiversité nouvelle qui va être composée certes de ravageurs potentiels, mais pas seulement, on va également favoriser toute une population d'auxiliaires des cultures qui pourront participer à la limitation de ces ravageurs. Donc si on résume, les arbres permettent de développer un nouvel équilibre qui sera à la fin plus favorable à la fois aux arbres et aux cultures. Donc je crois qu'on a bien fait le tour de la problématique technique. Il nous reste un dernier aspect à traiter, c'est l'aspect social. En effet, la mise en place d'un système agroforestier, c'est quand même un grand saut dans l'inconnu, ça fait peur. Donc ça nécessite des connaissances, il faut se former, il faut apprendre. Il y a la peur de l'échec, mais aussi il y a l'effet du voisinage avec la crainte du jugement par exemple. Oui, c'est vrai que c'est un élément en fait, qui est très avéré en agriculture de façon générale. Donc, comme dans beaucoup de domaines, en fait, se lancer dans une aventure nouvelle, comme celle de l'agroforesterie, notamment là avec les coûts engendrés, forcément, ça fait peur. Après, c'est quand même un challenge, je pense, qui est très stimulant, qui permet aussi par la même occasion de diversifier son exploitation. Donc après, il faut savoir quand même se rapprocher des structures de conseil spécialisées qui permettront un bon accompagnement. Merci pour toutes ces réponses. Finalement, parmi ces idées reçues, il y a du vrai, il y a du faux. J'espère en tout cas que nos auditeurs y sont dorénavant un peu plus éclairés sur le sujet. Mais maintenant qu'on a fait le tour des principaux préjugés, moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'agroforesterie, ça peut vraiment être l'agriculture de demain ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à des défis de taille. On parle de réchauffement climatique, d'érosion, d'épuisement des sols, de résistance aux produits phytosanitaires. Est-ce que ce modèle agricole, il pourrait répondre à ces objectifs ? Alors, Maëlys, je pense qu'ils peuvent répondre totalement à ces objectifs. Concernant le réchauffement climatique, l'agroforesterie contribue d'une part à le limiter. Comme on l'a déjà évoqué, les arbres permettent de fixer du CO2, et le CO2, c'est un des plus importants gaz à effet de serre. Il contribue notamment à l'élévation de la température, et donc finalement au réchauffement climatique. On estime qu'entre 1,5 à 4 tonnes de carbone sont stockées par hectare et par an. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça représente en équivalent carbone entre 8 000 et 21 000 km en avion, soit 2 allers-retours Paris-New York. De plus, les terres étant de meilleure qualité, les agriculteurs utilisent beaucoup moins d'engrais minéraux, qui sont aussi, on le sait, très émetteurs de ces fameux gaz. D'autre part, ce modèle agricole permet une meilleure adaptation aux nouvelles contraintes climatiques. C'est vrai qu'il n'entend pas parler de longues périodes de sécheresse ou même de canicules auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés. Les arbres protègent donc les cultures du vent, ils leur fournissent de l'ombre et ils stockent aussi l'eau qui va être dans les sols. Donc en conclusion, les champs souffrent moins de la sécheresse. Ok, donc et après il y a aussi en fait tout le volet des défis techniques. Donc on peut citer notamment en fait la résistance aux produits phytosanitaires, mais aussi les restrictions qui sont imposées par les politiques publiques sur ces produits et qui posent du coup la question en fait de leur disponibilité et de leur efficacité dans les années à venir. Donc en fait les systèmes agroforestiers ils vont permettre en partie de répondre à ça, puisqu'ils vont permettre en fait une réduction de l'usage de ces produits. Donc on l'a vu, on va avoir des sols plus riches, plus équilibrés, et aussi la présence donc, d'insectes auxiliaires. Donc ils vont permettre de limiter l'utilisation de ces produits. Et pour terminer, donc, ce modèle agricole il permet aussi en fait, de répondre à la problématique d'érosion et d'appauvrissement des sols, puisque d'une part, les arbres vont permettre de limiter la vitesse du vent, donc on aura moins d'érosion éolienne. Et d'autre part, leurs racines vont permettre une meilleure structuration du sol. On l'a vu aussi, l'infiltration de l'eau sera favorisée. On aura un certain relief qui sera créé par les lignées d'arbres et qui vont constituer en fait un obstacle physique, donc l'écoulement des eaux. Donc finalement, il y aura aussi l'érosion hydrique qui sera limitée. Et pour terminer, ils permettront également ces arbres un enrichissement en matière organique et une meilleure activité biologique. Donc tout ça finalement qui se traduira par une meilleure fertilité des sols. Merci beaucoup. Je ne sais pas vous, chers auditeurs, mais moi, en tout cas, ces explications, elles m'ont convaincue. Il me semble vraiment clair que l'agroforesterie, elle peut s'imposer comme un modèle agricole de demain. Malheureusement, donc, c'est bientôt la fin de cette émission. Guillaume, est-ce que tu pourrais nous faire un petit récap pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors, on peut résumer tout ça. Si vous êtes resté avec nous tout le long de cette émission, vous avez pu découvrir les nombreux avantages de l'agroforesterie. On a des avantages qui peuvent être agronomiques, mais aussi économiques et environnementaux. Mettre en place un système agroforestier, ça demande du temps, ça demande aussi un certain investissement et ça nécessite de se former et même de prendre des risques. Mais heureusement, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a de nombreuses structures et des mesures aussi qui sont là pour vous cadrer, pour vous accompagner et au final pour vous aider. Donc d'après nous, ça vaut le coup parce qu'on l'a vu, les bénéfices sont multiples et le tout réside simplement dans le fait de bien penser son projet en amont pour éviter que l'arbre ne constitue au final un élément gênant ou compétiteur vis-à-vis des cultures. Voilà, donc au final, je dirais que l'agroforesterie, c'est réellement un modèle agricole qui permettrait de répondre aux enjeux de demain. Alors, j'ai qu'un conseil, n'attendez plus et lancez-vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Lisa, Guillaume et moi. On tient vraiment à remercier donc notre intervenante Aline Buffa qui nous a éclairé par son expertise en agroforesterie et en biodiversité. Et on tient réellement à remercier la Radio Campus FM de Toulouse pour nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui. Merci aussi à Sophie et Yvon de nous avoir aidé à réaliser cette émission. Et enfin, merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute. Ce fut un réel plaisir d'enregistrer ce podcast. Et n'hésitez pas à le réécouter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une prochaine émission d'Agro J'écoute. Merci d'être resté avec nous et très bonne journée à vous.